إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence le cours numéro 11 dans l'explication de نواقض الإسلام, شرح نواقض الإسلام. الشيخ صالح الفوزان يلزي هناك شبهات يدلي بها عباد القبور وعباد الأولياء والصالحين اليوم يلبسون بها على الناس, منها أنهم يقولون إن الشرك عبادة الأصنام فقط, أما من عبد غير الأصنام كالذي يعبد الأولياء والصالحين فهذا ليس شركا وإنما هو توسل إلى الله, والله تعالى يقول وابتغوا إليه الوسيلة. والجواب على هذه الشبهة أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الشجر والحجر ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وكذلك النصارى عبدوا المسيح فهم لا يعبدون صنما وإنما يعبدون المسيح عليه الصلاة والسلام, فهل يقال إنهم غير مشركين لأنهم لا يعبدون صنما؟ من يقول هذا؟ فالشرك هو عبادة غير الله أيا كان هذا الغير. والمشركون الأولون ليس شركهم أو ليس شركهم مقصورا على عبادة الأصنام, بل هم مختلفون في عباداتهم كما ذكر ذلك الشيخ في كتابه كشف الشبهات وفي القواعد الأربع, وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم وحاربهم جميعا وقاتلهم ولم يفرق بينهم, لم يفرق بين من عبد صنما وبين من عبد قبرا أو شجرة أو حجرا أو وليا من الأولياء, بل قاتلهم ولم يفرق بينهم. فلا فرق بين من عبد الصنم أو عبد الشجر والحجر أو الملك أو الجن أو الإنس, وهذا شيء واضح. الشيخ يكسبيكي إلدي إليا plusieurs شبهات, il y a beaucoup de doutes et des شبهات, des ambiguïtés que les gens essaient de lancer sur les musulmans qui pratiquent le tawhid et qui suivent le tawhid pour essayer de justifier l'adoration des tombes et l'adoration des hommes pieux et des hommes vertueux yani, aujourd'hui hein, qui sont dans leurs tombes. Et ils lancent toutes sortes de shubuhat pour essayer de justifier ce qu'ils font. Et ils disent par exemple, comme on l'a expliqué plus tôt dans un autre cours, que l'adoration, que le shirk c'est uniquement d'adorer les idoles seulement, et que celui qui adore pas les idoles, hein, comme par exemple celui qui adore autre que les idoles comme les hommes pieux et les hommes vertueux et les saints comme ils les appellent, ils disent que ça, ça rentre pas dans le shirk et que ça fait seulement partie du tawassul, le fait de chercher un moyen pour arriver à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple, ils mentionnent le verset 35 dans surat al-Ma'ida et ça dit « Wabtahu ilayhi al-wasila » c'est-à-dire chercher un moyen pour arriver à Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens que Hein, parce qu'en réalité, ce verset-là, qu'est-ce que ça signifie? Wabtaru ilayhi al-wasila, c'est-à-dire chercher un moyen d'acquérir ou d'arriver à son agrément en faisant des actes d'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas de dire que wabtaru ilayhi al-wasila, de chercher un moyen en passant par un saint ou un wali pour aller à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une fausse interprétation de ce verset. Et le cheikh, il dit que la réponse au sujet de cette shubha, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a combattu tous les mouchriquins, ceux qui adorent les idoles et ceux qui adorent les arbres et ceux qui adorent les pierres et ceux qui adorent les anges et ceux qui adorent les hommes pieux et les saints. Il n'a pas fait de distinction entre eux, il les a combattus tous, hein. Et il mentionne le verset 18 dans Surat Yunus qui dit: et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Et ils disent, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Donc, la même chose que les chrétiens. Par exemple, les chrétiens, ils ont adoré Al-Masih, ils ont adoré Jésus, le Messie, fils de Marie. Et le cheikh, il dit, donc ces gens-là, les chrétiens, ils adorent pas une idole, ils adorent un être humain, ils adorent un prophète, Isa ibn Maryam. Donc, est-ce que le cheikh dit, est-ce qu'on va dire dans ce cas-là, ou est-ce que quelqu'un peut dire, ils ne sont pas des mouchriquins parce qu'ils n'adorent pas une idole, hein? Qui dit ça, hein? Qui va dire une chose pareille? Les chrétiens, ils adorent un être humain, et même si c'est pas une idole, c'est quand même du shirk, parce qu'on n'a pas le droit d'adorer un être humain en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Et donc le cheikh dit que le shirk, c'est d'adorer d'autres, d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Peu importe qu'est-ce que c'est, la chose que tu adores en dehors d'Allah, c'est du shirk. Donc le shirk, il dit que les premiers mouchriquins, leur shirk n'était pas limité à l'adoration des idoles. Certains d'entre eux avaient différentes choses qu'ils adoraient, hein, ils adoraient d'autres différentes choses entre eux. Ils n'étaient pas tous d'accord sur adorer une seule divinité ou une seule catégorie de divinité. Donc le cheikh dit: كما ذكر ذلك الشيخ في كتابه كشف الشبهات والقواعد الأربع. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans son livre كشف الشبهات et dans son livre القواعد الأربع, il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il est venu dans son peuple en tant que prophète et messager, il a trouvé les gens qui étaient sur différentes formes d'adoration, hein, de shirk et d'autres formes d'adoration d'Allah, c'est-à-dire ils adoraient d'autres choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils n'étaient pas tous en train d'adorer la même chose. Certains d'entre eux, par exemple, adoraient une idole, certains d'entre eux adoraient une tombe, certains d'entre eux adoraient des arbres, certains d'entre eux adoraient des pierres, d'autres adoraient des hommes vertueux, d'autres adoraient d'autres choses. Hein, des idoles, des anges, des prophètes, des djinns, des êtres humains, et malgré ça, malgré qu'ils adoraient tous des choses différentes, il les a tous combattus en entier. Il n'a pas fait de distinction entre celui qui adore l'idole, celui qui adore l'arbre, celui qui adore un être humain, celui qui adore un animal, hein, il les a tous combattus en entier sans faire de distinction entre eux, et donc ça prouve que c'est pas une shubha qui tient la route, yani, de dire que l'adoration qui est shirk, c'est uniquement l'adoration des idoles. Le cheikh il dit: ومن شبهاتهم أنهم يقولون إننا لا نعبد الأولياء والصالحين لأنهم ينفعون أو يضرون وإنما نعبدهم لأجل أن يشفعوا لنا عند الله ويتقربون لهم بالذبح والنذر والاستغاثة من أجل أن يشفعوا لهم عند الله. أما المشركون الأولون فإنهم يعتقدون أن هذه الأشياء تنفع وتضر من دون الله عز وجل ويقولون نحن لا نعتقد ذلك ونحن نعلم أنهم لا ينفعون ولا يضرون ولكن اتخذناهم شفعاء. والجواب عن هذه الشبهة أن هذا هو الذي ذكره الله عز وجل عن المشركين الأولين. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لا فرق بين شرك هؤلاء وبين شرك الأولين، فكلهم يقصدون الشفاعة، ثم تشفع وأن أن تشفع لهم هذه الأشياء والمعبودات، فالشفاعة حق، ولكن ليس هذا هو طريقها، بل لها طرق شرعية بينها الله، بينها الله تعالى وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس من طرقها أن الشافع يتخذ إلها من دون الله، يذبح له وينذر له ويستغاث به. هذا هو فعل المشركين الأولين، لا فرق. الشيخ يقول parmi les شبهات des gens qui adorent les tombes aujourd'hui parmi les soufis et les autres les chiites et les autres gens de bid'a et d'égarement, c'est ils disent que nous on n'adore pas les awliya et les salihin parce qu'ils peuvent nous profiter ou nous nuire. On les adore uniquement pour qu'ils puissent intercéder pour nous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on essaie de se rapprocher à eux en sacrifiant et en faisant des vœux et en cherchant le secours en eux pour qu'ils puissent intercéder pour nous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils disent que les mushrikoun, les premiers, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux non, ils ne croyaient pas, ils croyaient vraiment que ces choses-là qu'ils adoraient pouvaient leur profiter et leur nuire en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disent, tandis que nous, on ne croit pas une chose pareille comme ces gens-là, et on sait très bien qu'ils ne peuvent pas nous profiter et nous nuire, et donc on ne fait que les prendre comme des intercesseurs entre nous et Allah, et des intermédiaires entre nous et Allah dans l'adoration. Et le cheikh dit que la réponse à ce sujet-là, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il a dit au sujet même des mouchriquins à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même eux, ils ne croyaient pas que ces idoles pouvaient leur nuire ou leur profiter. Et Allah, il le dit clairement dans le Coran à propos des mouchriquins, le verset encore une fois, le verset 18 de Surat Yunus, c'est comme un marteau sur leur tête en fait, ce verset-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter, et ils disent, ceux-là sont nos intercesseurs. Donc ils disaient la même chose que vous, il n'y a pas de différence entre vous qui adorez les saints et les temples, et eux qui adoraient les idoles dans le but de, soi-disant, avoir leur intercession. Le shirk dit donc qu'il n'y a pas de différence entre le shirk de ceux-là et le shirk des premiers parmi les mouchriquins. Ils sont tous en train de faire quelque chose dans le but, soi-disant, d'avoir leur intercession, et le shirk, il dit, ils cherchent à avoir l'intercession de ces choses-là qu'ils adorent en dehors d'Allah. Et le cheikh il dit qu'il y a effectivement une intercession qui est vraie dans l'islam, toutefois ça c'est pas la façon de l'acquérir. Cette façon dont ils procèdent eux pour essayer d'avoir l'intercession, ce n'est pas du tout la façon qui est permise en islam et qui est ordonnée par Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a d'autres moyens ou d'autres méthodes légales qui ont été clarifiées par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Sunna, et parmi les méthodes ou parmi les voies qui ont été enseignées par la Sharia, il n'y en a aucune qui te dit que tu dois prendre un idole ou adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala en sacrifiant un animal pour lui ou en faisant un vœu ou en cherchant le secours en lui, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ça, en fait, c'est les actions des mouchriquins, parmi les premiers qui faisaient le shirk, et donc il n'y a pas de différence entre ce que ces gens-là aujourd'hui sont en train de faire et ce que faisaient les premiers parmi les mouchriquins. Le shaykh dit ensuite, وَمِنْ شُبُهَاتِهِمْ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ الْأَوَّلِينَ لَا يَقُولُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ أَمَّ هَؤُلَاءَ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ الْأَوْلِيَاءَ وَالصَّالِحِينَ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فكيف تجعلون من قال لا إله إلا الله أو من لا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله مثل الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فنقول سبحان الله هؤلاء قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكن نقضوها ولا إله إلا الله لا تنفع إلا إذا سلمت من المناقضات من المناقضات فهؤلاء تلفظوا بها ولكنهم ناقضوها بفعل الشرك فما معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله فهؤلاء يقولون هذه الكلمة ولا يعملون بها لشيخ الذي parmi leurs شبهات et ça c'est peut-être une de leurs شبهات les plus absurdes et ridicules ils disent eux les mouchriquins les premiers à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ils ne disaient pas la ilaha illallah hein mais ceux-là aujourd'hui qui adorent les tombes et les morts ils disent la ilaha illallah ils disent nous on dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah comment vous pouvez mettre à égalité ceux qui disent pas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah et dire qu'ils sont pareils à ceux qui disent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah et le cheikh il répond et il dit subhanallah il dit vous dites la ilaha illallah Muhammad Rasulullah puis en plus puis par la suite vous faites ce qui détruit ou s'oppose complètement à la ilaha illallah donc le cheikh il dit la ilaha illallah le fait de le dire ça ne va pas profiter à quelqu'un excepté si elle n'est pas détruite par quelque chose qui vient l'opposer parmi les choses qui annulent sa signification. Hein, donc, les mouchriquins, le cheikh il dit donc, ceux qui disent ça aujourd'hui, qui disent la ilaha illallah, hein, ils le prononcent, mais ils font le contraire de sa signification en faisant le shirk. Alors, à quoi, qu'est-ce que ça signifie la ilaha illallah? Est-ce que c'est juste une parole qu'on dit avec la bouche? C'est tout? Tu dis la ilaha illallah avec la bouche, et après tu peux faire ce que tu veux, même si ça s'oppose à sa signification. Mais qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah? Si ils savaient ce que ça veut dire, ils ne pourraient pas se permettre de faire ce qu'ils font hein, en adorant des tombes ou en adorant des morts. Donc ils disent la ilaha illallah, mais ils savent pas ce que ça veut dire. Et le cheikh il explique la vraie signification de la ilaha illallah. Ça veut dire, il n'y a rien qui mérite d'être adoré, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas comme certains qui disent, il n'y a de Dieu que Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu, ça veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Demandez à quelqu'un qui dit la ilaha illallah, ça veut dire il n'y a de Dieu que Dieu. Demandez-lui qu'est-ce que ça veut dire il n'y a de Dieu que Dieu. Hein? Ça veut dire quoi ça? Moi j'aimerais ça que quelqu'un me l'explique. Il n'y a de Allah que Allah. Allah musta'an. Ok. Donc ces gens-là ils disent la ilaha illallah puis ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire. الشيخ يقول فهم يعبدون القبور والأولياء والصالحين وهم يقولون لا إله إلا الله وهم يقولون لا إله إلا الله لا إله إلا الله فالمشركون الأولون أعرفوا بلا إله إلا الله من هؤلاء لأنه لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة عرفوا معنى لا إله إلا الله وأن من قالها لا بد أن يترك عبادة غير الله وهؤلاء من جهلهم وغباوتهم جعلوا بين النقيضين جمعوا بين النقيضين بين قول لا إله إلا الله وبين عبادة غير الله عز وجل فهم لم يفهموا من لا إله إلا الله ما فهمه المشركون من قبل وهذا في منتهى الغباوة والسذاجة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولكن الهوى والعياذ بالله يوقع في الضلال le cheikh il dit donc les gens qui adorent les tombes aujourd'hui et qui adorent les saints et les hommes pieux ils disent la ilaha illallah et les premiers mouchriquins connaissaient mieux la signification de la ilaha illallah que ceux qui adorent les tombes aujourd'hui parmi les gens qui se disent musulmans le cheikh il dit pourquoi parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il a dit aux gens parmi les mouchriquins de Quraysh hein, qui adoraient les idoles, il leur disait « Dites la ilaha illallah » et ils refusaient, ils ne voulaient pas dire la ilaha illallah. Ils disaient « Est-ce qu'il a fait de toutes nos divinités une seule divinité ?» C'est-à-dire on va arrêter d'adorer tous ces idoles et ces divinités, on va adorer seulement un, hein, seulement Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont compris la signification de la ilaha illallah et que celui qui a dit cette parole, il faut qu'il arrête d'adorer d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Tandis que ceux-là aujourd'hui, qui adorent les tombes et les morts, ils, dans leur ignorance et dans leur stupidité, ils ont réuni entre deux choses complètement contradictoires. Ils ont réuni entre la parole la ilaha illallah et adoration de d'autres que Allah. Donc ça c'est une des plus grandes contradictions que quelqu'un peut faire. ça veut dire quoi? Qu'ils n'ont pas compris ce que signifie la ilaha illallah. Celui qui a compris la ilaha illallah, il ne va pas adorer d'autre que Allah. Hein? Parce que c'est ça ce que ça veut dire. La ilaha illallah, ça veut dire qu'il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah. Donc comment tu peux dire rien mérite d'être adoré sauf Allah, et après tu adores d'autre que Allah? C'est contradictoire. Donc le cheikh il dit les mouchikoun, les idolâtres à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont compris cette signification-là. Hein? Et donc aujourd'hui, ça montre que les gens qui disent la ilaha illallah puis qui adorent les tombes, ils n'ont rien compris et que Allah nous protège. Le cheikh il dit ça c'est à cause de l'ignorance et à cause de la passion et que Allah nous protège de l'égarement. Hein, parce que c'est ça ce que les passions nous font faire. Les passions nous font tomber dans l'égarement. Après le cheikh dit وَمِنْ شُبُهَاتِهِمْ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ الْأَوَّلِينَ يَعْبُدُونَ أَشْجَارًا وَأَحْجَارًا وَجَمَادَاتٍ أَمَّا نَحْنُ فَنَدْعُو وَنَتَوَسَّلُ بِعِبَادٍ صَالِحِينَ وَأَوْلِيَاءٍ لَهُمْ جَاهٌ عِنْدَ اللَّهِ فَنَحْنُ نَتَّخِذُهُمْ وَسِيلَةً عِنْدَ اللَّهِ والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة فنحن اتخذنا الوسيلة فهؤلاء هم الوسيلة فنقول لهم الوسيلة في كتاب الله الطاعة والعبادة وهي ما يوصل إلى الله عز وجل بطاعته وفعل أوامره وترك نواهيه ليس الوسيلة أنك تجعل بينك وبين الله واسطة هذا لم يدل عليه القرآن ولا السنة وما قال به أحد من أهل العلم المعتبرين بل الوسيلة في الكتاب والسنة هي التقرب إلى الله بطاعته قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة أي القربة إلى الله والطاعة أما من فسر الوسيلة باتخاذ الوسائط فهذا تفسير باطل محدث لم يقل به أحد من أئمة التفسير ولله الحمد. الشيخ الزي parmi leurs شبهات, les gens qui adorent les tombes aujourd'hui, qui adorent les morts, ils disent que les premiers mouchrikoun, ils adoraient يعني, les arbres, ils adoraient les pierres, ils adoraient les choses inertes. Hein. Et nous, aujourd'hui, on invoque des hommes pieux, c'est-à-dire on utilise le dua des hommes pieux et on invoque les hommes pieux, on fait le tawassul. Ils ont fait le tawassul. On invoque des hommes pieux, des hommes que Allah aime, qui sont rapprochés de lui et qui ont un statut élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on prend eux comme des moyens pour arriver à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. En voulant dire, il ne faut pas comparer des hommes pieux à des statues et à des idoles et des choses inertes, et des pierres et des arbres. Hein? Ça ressemble un peu à la première Shubha, mais la seule différence là-dedans, c'est qu'ils prétendent que le verset 35 dans Surat Al-Ma'ida qui dit « Ô vous qui avez cru, craignez Allah et cherchez un moyen vers lui ». Et c'est le mot en arabe, un moyen vers lui, c'est-à-dire al-wasila. Et eux, ils interprètent le mot wasila en disant que al-wasila, c'est de prendre un intermédiaire entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala parmi les hommes pieux. Et le cheikh, il explique en réponse à cette shubha, et il dit que dans le Coran, le mot wasila, ça signifie pas un homme pieux ou un intermédiaire entre toi et Allah. Ça veut dire l'obéissance et l'adoration. Le seul wasila qui existe pour arriver à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de faire ce qu'Allah t'ordonne de faire et de l'adorer. C'est ça le moyen, hein. Al-ibada wa ta'a. Et donc, c'est ça qui te rapproche d'Allah, de faire ce qu'il t'ordonne et de t'écarter de ce qu'il t'a interdit. Et donc, al-wasila, ça ne veut pas dire que tu prends entre toi et Allah un intermédiaire dans l'adoration. Ça, il n'y a rien dans le Coran ni dans la Sunna qui supporte cette interprétation-là, et il n'y a aucun parmi les savants de tafsir et les savants de l'islam qui sont reconnus qui ont supporté ce genre d'interprétation. Le cheikh il dit même que dans le Coran et dans la Sunna, al-wasila ça veut dire de se rapprocher à Allah en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne le verset encore une fois, puis il dit, c'est-à-dire, « Ey al-qurba ilallah »« Wabtaru ilayhi al-wasila » c'est-à-dire, cherchez à vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ce qu'il vous ordonne de faire, en obéissant à lui. « Amma man fassara al-wasila bittikhaz al-wasa'it fahada tafsirun batil » Cheikh dit, quiconque a interprété le mot « wasila » en disant que ça veut dire de prendre des intermédiaires et des intercesseurs entre toi et Allah, alors sachez que ça c'est un tafsir ou une interprétation qui est fausse, muhdath, c'est-à-dire elle a été innovée, inventée, elle n'a rien d'authentique, rien de vrai. Et aucun parmi les imams de tafsir n'a supporté cette fausse interprétation-là, et alhamdulillah, louange à Allah. Il dit « wa ala kulli hal, fahadihi shubuhatun dahidah » لا قيمة لها ولله الحمد ولكن هي التي يعتمدون عليها وهناك من يعتذر عنهم ويقول هؤلاء الذين يعبدون الأضرحة والقبور يعذرون بالجهل وما أكثر ما نسمع هذه المقالة ونقرأها في كتبهم وأن فعلهم هذا لا يجوز لهم لأنهم جهال نقول لهم كيف يكونون جهالا وهم يقرؤون القرآن وفيه النهي عن الشرك والنهي عن اتخاذ الوسائط من دون الله عز وجل فمن بلغه القرآن وهو عربي ويفهم معناه قامت عليه الحجة قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ فمن بلغه القرآن وهو عربي قامت عليه الحجة وإن كان غير عربي فيترجم له يترجم له معناه حتى يفهمه وهؤلاء الذين يتخذون القبور والأضرحة في بلاد العرب وهم عرب فصحاء ربما أن أحدهم يحفظ كتاب السبويه ويعرف اللغة العربية والبلاغة ومع هذا يعبد القبور هل هذا معذور بالجهل؟ لشيخ الذي que de toute façon il y a toutes sortes de shubuhat et elles sont toutes nulles et elles sont toutes faciles à écraser facilement, alhamdulillah, elles n'ont aucun poids, aucune valeur, alhamdulillah. Toutefois, il y a des gens qui essaient quand même de supporter et de se baser sur ces shubuhat qui sont toutes faibles, hein. Et il y en a d'autres qui essaient de trouver des excuses pour ceux qui font ce genre de shirk et le shirk il dit ceux-là, ils cherchent des excuses en se disant, ceux qui adorent les tombes et les tombeaux et les mausolées et les trucs comme ça, les hommes morts, ils disent qu'ils sont excusés pour leur ignorance, et on l'entend ça très très souvent et on le lit dans leurs livres. Et le chef il dit, il dit, il y en a qui disent ça, c'est pas permis ce qu'ils font, mais ils sont ignorants. Le cheikh il dit, nous on répond à ces gens-là et on dit, comment vous pouvez dire qu'ils sont des ignorants alors qu'ils lisent le Coran et que dans le Coran il y a l'interdiction de faire le shirk. Donc le cheikh il dit, et il y a également l'interdiction de prendre des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Donc comment ils pourraient être excusés de et dire qu'ils sont ignorants alors qu'ils ont lu les preuves et les arguments dans le Coran. Le cheikh dit quiconque le livre, le Coran a atteint, il l'a atteint. Et si quelqu'un a reçu le Coran, il l'a entendu, il l'a lu, et il est arabe, et il comprend la signification du Coran quand il le lit, alors la preuve a été établie contre lui. Ça c'est la position que le cheikh Fawzan prend à ce sujet-là. Que celui qui a entendu le Coran ou qui l'a lu et qui l'a compris, qu'il a compris sa signification, hein, et la preuve a été établie contre lui, s'il est arabe et qu'il lit le Coran et qu'il comprend, la preuve a été établie contre lui. Le cheikh il mentionne le verset 19 dans sourate Al-An'am qui dit wa uhiya ilayya hadha al-Qur'an li unzirakum bihi wa man balagh, et ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par ce Coran et toutes les personnes qui l'atteignent, vers qui il est transmis. Donc ça veut dire toute personne qui a reçu la transmission du Coran, c'est-à-dire il a reçu, il a entendu ou il a lu le Coran et qu'il est arabe, alors la preuve a été établie contre lui. Il dit, si c'est quelqu'un qui n'est pas arabe, qui ne sait pas lire, qui ne comprend pas l'arabe, et dans ce cas-là, on doit lui traduire sa signification pour qu'il puisse comprendre qu'est-ce que le Coran explique. Et il dit que ceux qui prennent les tombes comme des idoles ou comme des objets d'adoration dans les pays arabes, où les gens sont des arabes et qui sont, ils ont une éloquence de l'arabe, c'est-à-dire ils ont un niveau d'arabe très très fort, hein. Il dit parfois même certains d'entre eux, ils mémorisent le livre qu'on appelle Sibawayh, le livre d'un savant de la langue arabe qui s'appelle Sibawayh, hein, c'était un des plus grands savants de la langue arabe, Sibawayh. Il dit, il y en a certains d'entre eux, ils mémorisent ce livre-là et ils lisent le Coran, donc ils le comprennent, ils sont des arabes. Donc ils, et puis par la suite, ils vont aller adorer les idoles, et ils vont adorer les tombes, pardon, qui sont des idoles en réalité. Donc le cheikh, il dit, celui qui est arrivé à ce niveau, qui connaît la langue arabe, qui connaît l'al-balara, hein, et qui va par la suite adorer les tombes, est-ce qu'on peut dire à son sujet qu'il est excusé de son ignorance? Le cheikh il dit, « وأكثر ما تكون هذه القبور والأضرحة في بلاد العرب الذين نزل القرآن بلغتهم فكيف تقولون هؤلاء جهال إلى متى الجهل؟ لأنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن زالت الجاهلية وجاء العلم والحجة، فهل يعذر بالجهل وهو يعيش في بلاد المسلمين ويحفظ القرآن ويقرأ القرآن ويسمعه ويسمع كلام أهل العلم، خصوصا بعد ما جاءت وسائل الإعلام التي تنقل إلى الناس كلام أهل العلم ويقرأ فيها القرآن صباحا مساء بصوت يسمعه من في المشرق والمغرب، كيف يقال إن هؤلاء ما بلغتهم الحجة، هؤلاء جهال، مع أن أكثرهم معهم شهادات عليا في اللغة العربية وعلوم الشريعة والقراءات والفقه والأصول. لشيخ الزيد، la plupart des gens qui adorent les tombes dans les pays arabes, ils parlent la langue dans laquelle le Coran a été révélé. Comment on peut dire que ces gens-là sont ignorants? Il dit jusqu'à quand on va dire qu'ils sont ignorants? Et le chef il dit parce que après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et après la révélation du Coran, la jahiliya est disparu. Il n'y a plus de jahiliya générale. Hein? Il y a des manifestations, parfois quelques manifestations de jahiliya, mais il n'y a pas une jahiliya généralisée sur la terre après ce moment-là. Donc, le cheikh il dit, est-ce que quelqu'un qui vit dans les pays musulmans, qui connaît le Coran, qui entend le Coran, qui lit le Coran, qui entend la parole des savants de l'islam, en particulier après les moyens de communication modernes actuellement, les médias, la radio, la télévision, les satellites, toutes ces choses-là, où on entend les paroles des savants de l'islam qui expliquent les verdicts au sujet de ces choses-là, du shirk et de toutes ces choses-là, et de l'adoration des tombes, et yani, tous ces moyens-là existent pour transmettre aux gens l'explication des savants, et ils lisent dans le Coran jour et nuit, hein, avec leur voix, et ils entendent le Coran à la radio ou autre, dans l'Est et dans l'Ouest, en Orient et en Occident. Comment on peut dire que ces gens-là n'ont pas reçu la preuve et qu'ils sont ignorants? Est-ce qu'ils sont ignorants? Le cheikh il dit, en plus que la plupart d'entre eux ont des diplômes élevés, hein, ils ont des diplômes très hauts dans la langue arabe et dans les sciences de la charia et dans les lectures du Coran et dans le fiqh et dans les fondements, dans les usuls. Comment on peut dire à propos de ces gens-là qu'ils sont ignorants? Donc le cheikh il dit, فالحاصل أنهم لا حجة لهم وحجتهم داحضة عند ربهم، نسأل الله أن يهديهم إلى الصواب وأن يستبين لهم الحق وأن يتركوا العناد ويتركوا التقليد الأعمى ويرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم حتى يحققوا إسلامهم ويصححوا دينهم ويكونوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يكونوا من أمة المشركين أو أتباع أبي جهل وأبي لهب. لشيخ الزي إيدونك on peut dire qu'en résumé, ils n'ont aucune preuve, et leur preuve est complètement nulle hein, auprès de leur Seigneur. Et on demande à Allah de les guider vers la bonne position, et de leur clarifier la vérité, et qu'ils abandonnent leur opposition orgueilleuse contre la vérité, et qu'ils réalisent la réalité de leur islam, et qu'ils corrigent leur religion, et qu'ils soient parmi les gens qui sont dans la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils ne fassent pas partie des gens de la Ummah des Mushrikines et de Abi Jahl et de Abi Lahab. Le Cheikh dit « وَهَذَا فِي الْوَاقِعِ أَمْرٌ عَظِيمٌ وَخَطِيرٌ » En passant, le Cheikh il dit ça, mais il ne veut pas dire en même temps qu'il n'y a pas personne qui est excusé de son ignorance. Il ne faut pas arriver à comprendre à cet extrême-là, parce que bien entendu, il y en a des gens parmi les musulmans qui sont excusés de leur ignorance, mais il y en a aussi parmi les gens qui ne sont pas excusés de leur ignorance parce qu'ils ont eu accès à la connaissance et la compréhension, mais ils font juste refuser d'accepter la vérité après qu'ils l'aient reçue. Le cheikh dit ensuite فهذا في الواقع أمر عظيم وخطير وأنتم يا عباد الله تقرؤون وتسمعون من ومنكم من سافر وراء العجب العجاب من أفعال هؤلاء من شركياتهم ووثنياتهم ولا يقبلون نصيحة لا يصغون إلى من يناديهم إلى الحق إلا من شاء الله فهذا أمر خطير لا يجوز لطالب العلم والعالم أن يسكت على هذا بل عليه أن يبين للناس ويوضح للناس ويدعو إلى الله تعالى ويجب على ولاة المسلمين جهاد هؤلاء حتى يكون الدين لله وحده. Le Cheikh il dit que ça c'est la réalité, ça c'est une réalité et c'est une chose très grande et très grave. Et il dit vous les serviteurs d'Allah, vous lisez, vous entendez à propos de ces choses-là. Et parmi vous, il y en a qui vous avez voyagé dans des pays musulmans où vous avez vu et vous avez témoigné des choses incroyables de ce genre. Qu'est-ce que les gens sont en train de pratiquer comme shirk et comme choses qui sont contraires au tawhid, parmi les formes d'idolâtrie, de paganisme, qui sont pratiquées dans certains pays musulmans. Et quand vous parlez à des gens qui pratiquent ces choses-là, ils n'acceptent pas le conseil. لا يقبلون النصيحة. Ils n'acceptent pas la nasiha, parfois. Donc, vous leur parlez, vous leur dites qu'est-ce que vous faites, c'est shirk, et ils continuent, et ils s'obstinent, et ils refusent d'accepter la réalité. Et ils n'écoutent pas à ceux qui les appellent à la vérité, excepté celui que Allah a voulu y aller. Et il dit ça, c'est donc une chose dangereuse, et il dit que la personne qui cherche la science de l'islam et le savant de l'islam, il ne doit pas se taire à ce sujet-là. Il doit clarifier ces choses-là pour les gens, et clarifier aux gens les règles de l'islam, et les appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit que c'est obligatoire également pour les dirigeants des musulmans de lutter contre ces gens-là jusqu'à ce que la religion soit uniquement pour Allah seul. وما معنى الدعوة إلى الله ما دمنا ساكتين عن هؤلاء ندعوهم إلى الصدق وعدم الغش في البيع والشراء وعدم الزنا ونترك الشرك ولا ندعوهم إلى تركه نترك الخطر العظيم ولا نبدأ بالتوحيد والنهي عن الشرك أما بقية الذنوب فإنها تحت المشيئة ولكن الشرك لا يقبل المغفرة ولا يقبل المغفرة ولا يدخل تحت مشيئة الله في المغفرة وكوننا نبدأ بالفروع ونترك الأصل فهذه ليست طريقة الدعوة إلى الله فإن الرسل أول ما يبدأون أول ما يبدأون بتصحيح العقيدة والدعوة إلى الله عز وجل، لا يبدأون بالأطراف والجوانب والجوانب التي لا تنفع مع عدم التوحيد وعدم العقيدة الصحيحة. الشيخ explique, il dit, qu'est-ce que ça veut dire de faire le da'wa? Il y a des gens aujourd'hui, ils appellent, ils disent qu'ils appellent à l'islam et qu'ils font le da'wa. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça, le da'wa? Qu'est-ce que ça signifie si on se tait devant ces gens-là qui font ces formes de shirk? Qu'est-ce que ça signifie si on les appelle par exemple à dire il faut être véridique, il faut être sincère, il faut dire la vérité, il faut pas mentir, il faut pas faire de la corruption, il faut pas tromper les gens dans le commerce quand on achète et on vend, il faut pas faire le zina, il faut pas faire toutes sortes d'autres péchés. On appelle les gens à abandonner ces choses-là, mais on ne les interdit pas ou on leur dit pas de cesser ou d'arrêter de faire le shirk. Et on ne leur explique pas le danger du shirk et on ne commence pas par les appeler au tawhid et pour leur interdire le shirk. Donc ça c'est complètement illogique et c'est ça ce que beaucoup de du'at aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. Tu les vois en train de parler aux musulmans, ils leur disent soyez véridiques, soyez honnêtes, soyez justes, soyez des bons musulmans, donnez l'exemple, des choses comme ça. Et ils ne parlent pas du shirk, alors que parmi les musulmans auxquels ils s'adressent, il y en a qui croient que d'adorer les tombes, c'est bien, et que ça fait partie de l'islam, et des choses de ce genre. Donc, ça montre en réalité que c'est des gens qui n'ont rien compris à l'islam. Et ils ne savent pas où se tiennent les vraies priorités. Tu les vois parler d'économie, de politique, de social, de toutes sortes de trucs qui sont pas dans les fondements, et alors que les gens sont en train de se noyer dans toutes sortes de formes de shirkiyat. Et yani, ça c'est des choses graves. Bien entendu, c'est important d'abandonner le péché, mais le plus grave d'entre tous les péchés, celui qu'Allah ne va pas pardonner, c'est le shirk. C'est pour ça que Jésus dit ici que le péché qui n'est pas pardonnable par Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'est pas sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à son pardon, c'est le fait de faire le shirk. Tandis que les autres péchés, Allah les pardonne à qui il veut. Si tu meurs sur autre que le shirk, Allah il peut te pardonner ou il peut te punir, mais même s'il te punit dans l'enfer, tu vas pas rester éternellement, tu vas sortir, tu vas aller au paradis, Inch'Allah. Donc, ça veut dire que le plus important, c'est de commencer par la base, et d'appeler au fondement, et de commencer par ce que les messagers d'Allah, alayhi salatu wa salam, ont commencé, c'est-à-dire de corriger la croyance des gens, et d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas de commencer par les choses qui sont dans les limites, ou dans les côtés, les choses qui sont à côté, ou qui sont qui viennent après les fondements de l'islam et la base de l'islam et du tawhid. Donc ça c'est très important parce qu'il y a des gens qui portent peu d'attention à ça. Et l'autre jour j'étais en train de réfléchir à ce sujet-là, puis je me dis, subhanallah, des fois on entend des gens qui font des khutbahs ou qui donnent des cours et parlent de toutes sortes de choses dans l'islam et ils négligent les fondements, et donc ça c'est une erreur. فلو أن الإنسان ترك الزنا وترك الشرب الخمر والربا وترك جميع المحرمات إلى أنه مشرك لم ينفعه ذلك كله، ولو يصلي الليل والنهار ولو تصدق بجميع أمواله ما دام عنده شرك أكبر لن ينفعه ذلك. أما لو كان عنده توحيد وسلامة من الشرك وإخلاص لله، فهو لو عمل الكبائر التي دون الشرك فإنه يرجى له المغفرة، وإن عذب فإنه لا يخلد في العذاب، فكيف نترك الأمر الخطير ونتجه إلى ما دونه ونقول هذا العمل هو الدعوة إلى الله عز وجل؟ الشيخ الذي سيء انفرسان أبدا للزنا سيزدف الزنا. Si une personne cesse de boire de l'alcool, si une personne cesse de faire du riba, de prendre du riba, ou de charger, de demander du riba aux gens, ou abandonne tout ce que Allah a interdit, excepté qu'il est mushrik, alors tout ça, ça ne sert à rien pour lui. Et même s'il fait la salat la nuit et le jour, même s'il donne la sadaqa avec toute sa richesse, hein, tant qu'il est encore sur le shirk majeur, tout ça, ça ne va rien servir pour lui au jugement dernier. Et même si, par rapport à, par opposition à l'exemple qu'on vient juste de donner, quelqu'un qui est sur le tawhid et qui a une bonne aqida et qui n'a pas fait de shirk et qui est sincère dans son adoration et qui adore uniquement Allah, même s'il a des actions qui font partie des grands péchés, qui sont moins graves que le shirk, qui sont en dessous du shirk, il a toujours l'espoir d'être pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et même s'il est puni dans l'enfer, il ne va pas rester éternellement dans le châtiment. Hein? Alors comment on peut abandonner quelque chose aussi dangereux, hein, et se tourner vers des choses qui sont moins graves et de dire que ça c'est pour le da'wa ou que c'est la da'wa. الآن تعرفون جهود الدعوة وكثرة الدعاة وأن لها مؤسسات ومراكز ولكن الأضرحة على حالها بل تزيد في العالم الإسلامي والتصوف والبدع يكثران أين الدعوة إلى الله وأين هذه الجهود وثمراتها الشيخ اليهودي vous voyez toutes les efforts à la da'wa et la quantité de gens qui font la da'wa. Et ils ont des organisations, ils ont des centres, hein. Malgré tout ça, les tombes sont comme elles étaient. Les chefs, les tombes que les gens adorent sont telles qu'elles étaient. Les gens continuent encore à les adorer comme avant. Et même, le chef dit, et même, dans le monde musulman, on voit qu'ils augmentent encore plus qu'avant. Plus de tombes qu'avant et plus de gens qui font le shirk qu'avant encore, et le soufisme et les innovations commencent à augmenter de plus en plus. Où est la da'wa à Allah subhanahu wa ta'ala? Où sont tous ces efforts et où sont toutes tous les fruits de ces efforts? فالواجب علينا أن نتنبه لهذا الأمر وأن ندعو إلى الله على بصيرة ونبدأ بما بدأت به الأنبياء والرسل وعليكم السلام وعليكم السلام وهو تصحيح العقيدة ثم البناء عليها لأنها هي الأساس وما عداها مبني عليها فإذا كان الأساس صحيحا كان البناء صحيحا وإذا كان الأساس فاسدا انهار البناء ولا ينفع صاحبه ها؟ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين وهذا مثال واضح لمن أسس دينه على عقيدة صحيحة ونية صالحة ومن أسس بنيانه على شرك وعلى أمور أخرى مخالفة لدين الله هذا ونسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه إنه سميع مجيب الشيخ الزي l'obligation pour nous donc c'est de faire attention à cette chose et d'appeler les gens à Allah avec connaissance et de commencer par ce que les prophètes et les messagers ont commencé, c'est-à-dire de corriger la croyance des gens, puis de bâtir là-dessus. De commencer à corriger la croyance des gens, puis de bâtir là-dessus, parce que la croyance c'est la fondation. Et tout ce qui est en dehors de la fondation est construit par-dessus la fondation. Hein, tout ce qui est autre que la fondation et par-dessus la fondation. Et donc, si la fondation est correcte, la construction va être solide. Mais si la fondation n'est pas correcte et pas solide, eh bien, le bâtiment qui est dessus va s'écrouler. Eh bien, c'est la même chose pour la croyance d'un musulman. Si sa croyance est solide, sa fondation est solide, alors le reste de ses actions vont être bonnes et vont être correctes, vont être acceptées. Mais si sa fondation n'est pas bonne, elle est fausse, ah bon, ah ben, ces actions vont pas être acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Allah, il mentionne le verset 109 dans Surat Tawbah, dans lequel il y a une comparaison justement entre ceux qui établissent leur bâtiment sur la crainte d'Allah et sur l'agrément d'Allah. Il dit que cela c'est meilleur. Est-ce que ça c'est meilleur ou celui qui bâtit sa construction sur yani, le bord d'un gouffre, hein, et qu'il tombe avec ce bâtiment dans le fond de dans le feu de l'enfer. Il dit, certes, Allah ne guide pas ceux qui sont injustes, les gens injustes. Et donc c'est pour dire que il y a des gens qui ont bâti leur religion sur une base, une bonne aqidah et une bonne intention, et il y en a d'autres qui ont établi leur religion et leur bâtiment sur le shirk et sur des choses qui sont en opposition à la religion d'Allah. Et donc il dit, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire voir la vérité comme telle et de nous donner la capacité et la possibilité de la suivre, cette vérité, et de nous montrer la fausseté comme étant une fausseté, et de nous permettre de nous en écarter. Et il est certes audient et celui qui exauce nos invocations. Donc ça c'est pour le premier naqid, le premier point de ce qui annule l'islam d'une personne. Ça c'est la fin de celui-là. Ensuite, le cheikh, il y a ici des questions et des réponses, quelques-unes, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il y en a une question ici. Quelqu'un a posé la question au cheikh, التبرك متى يكون شركا ومتى لا يكون جواب إذا اعتقد أن البركة تحصل من غير الله عز وجل بأن تبرك بالشجر أو الحجر يعتقد أنه يمنح البركة فهذا شرك أكبر. أما إذا اعتقد أن هذا الشيء سبب للبركة والبركة من الله هذا سبب لحصولها فهذا شرك أصغر. Donc le cheikh, on lui a posé la question, quand est-ce que le fait de chercher la baraka de quelque chose est shirk, et quand est-ce que ce n'est pas shirk? Et le cheikh a répondu la réponse à cette question, il dit que si la personne croit que la baraka vient d'autre que d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple quelqu'un qui cherche une baraka d'un arbre ou d'une pierre, et qui croit que c'est cet arbre ou cette pierre qui donne la baraka, ça c'est une forme de shirk majeur. Toutefois, si il croit que cette chose n'est pas la source de la baraka, ou que c'est pas elle qui donne la baraka, mais c'est une cause pour l'obtenir, et que la baraka vient d'Allah, alors dans ce cas-là, il croit que cette chose est un moyen d'obtenir cette bénédiction ou cette baraka, mais que c'est pas elle qui la donne directement, mais que c'est Allah qui la donne. Dans ce cas-là, c'est une forme de shirk asghar, c'est-à-dire une forme de shirk mineur, parce que pour dire que quelque chose est une source de baraka, il faut avoir une preuve. Il faut avoir une preuve de la charia, une preuve du Coran et de la Sunna. Et donc si la personne cherche la baraka d'un objet ou d'une chose, alors qu'il n'y a aucune référence, aucune preuve pour dire que cette chose est une source de baraka ou un moyen d'obtenir une baraka, alors dans ce cas-là, elle n'est pas, elle est considérée comme une sorte de shirk mineur. Mais s'il croit que c'est elle qui donne la baraka directement en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cas-là, ça c'est shirk majeur. D'accord? Après, on a posé une question. نعم. لو ذبح رجل أضحيته عند قبر فلان رجاء أن تنزل البركة على ذبيحته، فهل يعد هذا الذبح شركا أكبر أم شركا أصغر؟ الجواب إذا كان ذبح للميت أو ذبح للقبر فهذا شرك أكبر، أما إن كان ذبح لله ولكن يظن أن هذا المكان فيه فضيلة فهذا شرك أصغر ووسيلة من وسائل الشرك الأكبر. On a posé la question au cheikh. Un homme a posé la question, il a dit, si quelqu'un sacrifie sa bête ou son animal, son sacrifice près de la tombe d'un homme quelconque, et il espère en sacrifiant cet animal à cet endroit-là que la baraka vienne sur l'animal qu'il a sacrifié. Est-ce qu'on considère ce sacrifice, dans ce cas-là, comme étant une forme de shirk majeur ou une forme de shirk mineur? Et le cheikh, il répond à ce sujet-là et il dit, si la personne qui a égorgé ou sacrifié l'animal, il l'a fait pour le mort ou il l'a fait pour la tombe, alors dans ce cas-là, c'est une forme de shirk majeur. Mais s'il l'a fait, s'il l'a fait pour Allah, il l'a sacrifié pour Allah, mais il croit ou il s'imagine ou il pense que le fait d'égorger l'animal dans cet endroit-là en particulier, ah, ça lui donne un mérite spécifique ou un mérite quelconque, alors dans ce cas-là, ça c'est une forme de shirk mineur et c'est un moyen parmi les moyens de ce qui peut amener quelqu'un à tomber dans le shirk majeur. Parce que quelqu'un qui le regarde de loin, qui le voit égorger à cet endroit-là, il ne sait pas lui est-ce que la personne le fait dans son cœur pour Allah ou pour le mort. Et donc ça peut amener d'autres personnes à vouloir faire ça et eux ils vont penser que c'est pour faire ça pour le mort et ils tombent dans le shirk majeur. Donc c'est pour ça que c'est très dangereux. Na'am. Donc on va s'arrêter ici inshallah. نعم رجل يدعو غير الله فأخبرته أن هذا العمل شرك فلم يستجب فهل أحكم عليه بالشرك أم أنه لا بد أن يحكم عليه بذلك عالم من العلماء جواب ما نحكم عليه حتى نسمع كلامه ونستقرئ حالته هل هو صحيح العقل أم مخبول وهذا لابد يرجع فيه إلى أهل العلم ويبلغ عنه أهل العلم في بلده من أجل أن يتخذوا معه الإجراء اللازم. Donc le cheikh dit quelqu'un a invoqué autre qu'Allah, je lui ai informé de cette action là est shirk, mais il n'a pas répondu à mon appel. Est-ce que je dois dire que la personne est qu'il est sur le shirk ou bien je dois il faut absolument que ce soit un savant parmi les savants qui disent qu'il est mouchrik. Le cheikh il dit, la réponse il dit, on peut pas juger, le juger, excepté si on a entendu sa parole, ou bien qu'on a demandé ou vérifié comme il faut son état, l'état de cette personne, est-ce qu'elle a sa raison, est-ce qu'elle n'est pas, il y a un trouble un petit peu, des problèmes dans sa tête ou autre chose. Il dit, il faut absolument qu'on retourne aux savants, hein, et qu'on informe les savants de son pays où cette personne se trouve pour qu'ils puissent vérifier avec cette personne, et pour que ces savants-là puissent par la suite prendre les démarches nécessaires à son sujet. Donc ça c'est à ce sujet-là. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, parce que la prière approche, et puis on continuera demain, bi'ithnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et on a fini donc le premier point parmi les choses qui annulent l'islam. Alhamdulillah.